Jean le Bon est fait prisonnier à Poitiers. Là, combattait vaillamment, tout près du roi, messire Geoffroy de Charny, et toute la presse et la clameur se portaient sur lui, parce qu'il tenait la bannière souveraine du roi. Sa propre bannière, qui était de gueule, à 3 écussons d'argent, se trouvait aussi sur le champ de bataille. Anglais et Gascons accoururent si nombreux de toutes parts, que sous leur choc, ils forcèrent et rompirent les rangs serrés du corps de bataille du roi de France, et les Français furent si enveloppés par leurs ennemis qu'il y avait bien, en plus d'un cas, 5 hommes d'armes contre un gentilhomme. Là fut pris messire Baudouin d'Annequin par messire Barthélemy de Burguerche, et Oxy, messire Geoffroy de Charny, la bannière de France à la main, et pris le comte de Dampmartin par monseigneur Renaud de Cobham.